son image. Elle avait fui de mon âme offensée. Bien loin de moi, je crus l'avoir chassée. Toute tremblante un jour, elle arriva, sa douce image, et dans mon cœur rentra. Point n'eut le temps de me mettre en colère, point ne savait ce qu'elle voulait faire. Un peu trop tard, mon cœur le devina. Sans prévenir, elle dit, « Me voilà, ce cœur m'attend. Par l'amour que j'implore, comme autrefois, j'y viens régner encore. Au nom d'amour, ma raison se troubla. Je voulus fuir, et tout mon corps trembla. Je bégayais des plaintes aux perfides. Pour me toucher, il prit un air timide. Puis à mes pieds, en pleurant, il tomba. J'oubliais tout, dès que l'amour pleura.